Alors, vacances ou pas vacances, vous êtes les bienvenus, Lyonnaises, Lyonnais, vous écoutez Lyon Première et il est midi. Lyon Première. Florian Pierra pour les infos, bonjour. Bonjour à tous, les choses sérieuses commencent pour les Bleus au Mondial féminin de foot en Australie. L'équipe de France affronte le Maroc cet après-midi en huitième de finale. Après un premier tour maîtrisé, le sélectionneur tricolore Hervé Renard s'attend à un match beaucoup plus difficile, du même calibre que celui face au Brésil en phase de poule. Écoutez. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer. Avec une seule idée en tête de se qualifier pour le prochain tour. C'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil. Voilà, un match de haut niveau où cette équipe marocaine est capable de se projeter très vite, un peu comme l'était cette équipe du Brésil, avec des joueuses techniques qui vont vite dans la profondeur. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques. On sait à quoi s'attendre. À nous de répondre de la même façon qu'on a répondu contre le Brésil. Voilà, France-Maroc, coup d'envoi à Adélaïde à 13h, heure française, en cas de qualification. Bien, les Bleus affronteront le pays hôte, l'Australie, samedi en quart de finale. Dans le reste de l'actualité, 5 policiers du raid de Marseille placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes dans la cité phocéenne début juillet. L'autopsie de la victime avait révélé une mort provoquée par un arrêt cardiaque à la suite d'un impact au niveau du thorax. Un résultat compatible avec le tir d'un projectile de type flashball. Coup dur pour votre portefeuille en plein chassé croisé des vacances. Le prix des carburants continue de flamber. Plus 11 centimes pour le litre de sans-plomb 95, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause, la hausse du cours du baril de pétrole. Pas de baisse attendue avant le mois prochain. Et puis, coup de chaud cette fois sur la planète. La moyenne de la température mondiale relevée au mois de juillet a battu tous les records. 16,95 degrés, tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon les données de l'agence européenne Copernicus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente journée. Et voici votre météo, un soleil toujours bien présent avec un ciel bleu, quasiment aucun nuage et puis ces températures qui progressent encore 31 pour les maxis à Lyon, à Bron et Villeurbanne jusqu'à 33 pour demain, alors que la qualité de l'air annoncée pour ce mardi, c'est vert. Infotrafic. Bonjour à tous, le service Only Move de la métropole de Lyon vous informe qu'il y a actuellement 3 km de ralentissement sur la 46 Sud en direction de Marseille à hauteur de Ternay. Je vous rappelle que de nombreux travaux sont en cours dans l'agglomération de Lyon, notamment dans le 9e arrondissement. La rue Marieton est fermée jusqu'au 25 août. Le pont Bonaparte est également interdit à la circulation, sauf pour les piétons et les cyclistes. Ce soir de 20h à 6h le lendemain, la 42 direction Lyon est fermée entre le nœud de la Boisse et Saint-Maurice-de-Bénaud. Enfin aujourd'hui, on continue jusqu'au 18 août, le métro B ne circule plus, des bus relais sont mis en place toutes les 10 minutes pour compenser l'interruption. Plus d'informations sur notre site internet www.onlymove.com. À Gravité, c'est le dernier Zazie qu'on retrouve tout de suite sur Lyon Première en vous souhaitant bon appétit et de belles vacances. Vous écoutez Lyon Première, 90.2. Paraît que tout disparaît. Ouais, toulouloulou, moi tout ce que ça me fait. Toulouloulou, paraît que tout est fini. Ouais, toulouloulou, moi tout ce que j'en dis. Tant qu'on voit les oiseaux qui volent. Tout est fini, au fond, quelle importance. sur Lyon Première. C'est vacances. Vacances. J'oublie tout. Lyon Première. Elle veut pas finir seule et moche.

sur nos ronds ce lilas. À Saint-Genis-les-Olières, Grézieux et Marcy-l'Étoile, Lyon 1ère 90.2 vous accompagne toute la journée. Something. Where is my friend when I need you?

Offre valable du 7 au 19 août sur une sélection de produits indiqués par un prix barré. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Bah alors, ils l'ont ? La mozzarella di bufala campana AOP ? Oh oui, dès demain, elle est à 5,79€ les 500 grammes. 5,79€, ma mozzarella di bufala préférée. Ah oui, et c'est le vrai prix, hein, et un vrai régal. J'en prends ? Bah bien sûr, mais pas à mon bureau, hein. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 11,58€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Mes infos, ma radio, ma musique. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de